Et comment direz-vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Que hace? Accentuez un peu plus nettement. Que hace? Hace. Hace. Hein? Hace. Que hace hoy? Que hace hoy? D'accord. Et qu'est-ce que vous faites ce soir? Que hace esta noche? C'est ça. Que hace esta noche? Et qu'est-ce que vous faites maintenant? C'est que hace ahora. Mais si vous voulez parler de ce que fait cette personne en ce moment même, comme en français, il existe en espagnol un autre temps du présent. En français, c'est la forme être en train de suivi du verbe. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? En espagnol, on dit littéralement qu'est-ce que vous êtes faisant? Vous êtes, está et faisant, haciendo. Donc, on part de hacer, haciendo, que está haciendo ahora. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Donc, la terminaison de cette forme, c'est yendo. Ça, c'est pour le verbe en er ou ir. Donc, pour hacer, c'est haciendo. Pour les verbes en ar, la forme qui correspond au français en, de faisant, finit en ando. Par exemple, pour hablar, ce sera hablando? Oui, tout à fait, hablando. Alors, il est en train de parler avec elle. Il est está. Está, oui. Il est en train de parler. Está hablando? Hablando, c'est ça. Está hablando. Il est en train de parler avec elle. Con ella. Con ella, d'accord. Está hablando con ella. Donc, on a la terminaison ando pour les verbes en ar et yendo pour les autres verbes, pour les verbes en er et en ir. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'était que está. Que está, oui, en train de faire, hein, c'est-à-dire faisant. Hacer, haciendo. Haciendo, hein, oui, du verbe hacer, que está haciendo. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous faites en ces moments? Comment direz-vous, qu'est-ce que vous écrivez? Que? Que escribe? C'est bien, mais dites-le encore une fois. Que escribe? D'accord, que escribe. Mais si vous voulez dire, qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire, là, maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire? Que es... Está escribiendo. Escribiendo. C'est la même terminaison yendo pour les verbes en er, comme hacer, haciendo, et les verbes en ir, comme escribir, escribiendo. Escribiendo. Escribiendo. Que está escribiendo.